Julien Collard, les grands enfants. Salut! Content d'être avec vous. Nouveau numéro des grands enfants avec autour de moi une grande enfant qui est heureuse que la France soit qualifiée pour la Coupe du Monde en Russie, pas pour le foot, mais pour la vodka. Julie McFly. Ah, j'allais dire, parce que sinon, c'est un grand enfant qui va pouvoir agrandir sa collection de figurines, car qui dit Russie dit poupée russe. Cyril Fongolfi. Salut tout le monde. Une grande enfant qui est très joueuse, mais de là à être capable de faire un bisou à la Russe à Didier Deschamps, pas sûr, Elodie Cavé. Oh, wow. Et enfin, bien au contraire, il est de retour parmi nous, amen. Un grand enfant qui s'est dit qu'on n'avait aucune chance de gagner la Coupe du Monde car on ne faisait pas le poids jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il regardait France-Nouvelle-Zélande et que c'était du rugby. Philippe Robert. C'est ça, tout à fait, oui. Je pensais qu'ils avaient crevé le ballon. Bon, comme il n'y a personne qui aime le foot ici, on ne va pas parler de la qualification. Non, on ne parle pas de foot. Non, pas du tout. Là, voilà. Je l'ai trouvé, et je suis jaloux, je l'ai trouvé vachement longue sa présentation, par contre. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Oui, ben... Et je ne me suis même pas mis nu, en plus. Il m'inspire plus que vous, peut-être. Ah, c'est voilà. C'est oui. Ça, c'est parce que je suis remplaçant, c'est pour ça. Ouais. Oui, c'est ah, ça. Voilà. Oui. Il n'y a pas de remplaçant. Tout le monde est titulaire chez les grands enfants. C'est ça, c'est comme en équipe de France. Tout le monde, tout le monde doit se sentir concerné par les trois points. Oh putain. Ouais. On démarre avec les citations. Qui a dit pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon on va tous on en sort. Voilà, on refait. Oh, qui a dit ça démarre. Pourquoi? Non mais vous me troublez. C'est ça, je sais pas. Bah arrête de me regarder déjà. Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon on n'en sortira pas vivant. C'est une question qu'on a déjà eue il y a deux semaines. Ouais, on a eu. C'est vrai. Ouais. Ça me j'ai parle. Dû répondre Coluche. Ça me dit quelque chose. Non, non, c'était la même phrase que Coluche, mais c'est pas Coluche. Est-ce des proches. C'était le même genre qu'on a eu, mais ça m'étonnerait. Les citations, je chante tout le temps. Enfin, je veux dire, tu sous-entends que je travaille pas, que je vais les copier-coller. Ben. Là, non, non, on l'a jamais dit. On l'a jamais cité. Ça me. Non. On l'a jamais cité. Est-ce que c'était alors, dépressif? C'est une phrase qui. Non, pas spécialement. C'est un français quand on parle. C'est pas français. Mais c'est un plat. Il a copié l'autre alors. C'est pas la même. C'est pas français. Un politicien. C'est pas français. Anglais, il était pas anglais. Il parlait anglais, mais il était pas anglais. Oui. Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon on n'en sortira pas vivant. Jean-Claude Van Damme. Non, c'est pas français, c'est pas belge, c'est pas francophone. Un américain. Non plus. Un espagnol. Non plus. Un italien. Non plus. Européen. Un turc. Non plus. Bolchevique. Ça m'arrange. Non, mais cherchez pas d'où il était, cherchez plutôt le métier. Parce que d'où il était, oui. Il était d'un pays particulier qu'on ne pense pas. Michel Drucker. Il parlait anglais, il parlait américain. Comédien. Michel Drucker, l'homme qui ne veut pas. Non, il est mort, c'est mort. C'est ah, mort. Mince. Pourquoi prendre la vie au sérieux puis un écrivain. On n'en sortira pas vivant. Il écrivait, mais surtout, il était connu pour. Le mec, il était moyen en fait. Il était très bon, moi j'aimais beaucoup. Je suis sûr que vous aussi. Il est mort il y a longtemps. Il est mort il y a un moment, oui. Est-ce qu'il y a plus d'un siècle? Non, c'est récent. Ah, il est mort dans les en 80. En 80? Un. Ou deux. Pas... Tu parles pas de Georges Brassens, là, quand même? Non, c'est pas français. Non, c'est pas français. Ah, oui, c'est pas français. Faut suivre, Philippe. Non, je sais que tu n'as pas l'habitude. On a télescopé des questions, je sais plus. Non, j'aurais dit... Allez, à tout hasard, j'aurais dit le Che, moi. Non, c'est rien à voir. C'est artistique. Oui. Adolf Hitler. C'est artistique. Artistique. Ah, quoique. Il y a des noms que ça ah bah, comment tu vois les choses. Il était peintre à la base. Hein. Non, mais on n'en sortira était... pas vivant. Ah oui, il voulait faire l'école des arts, je sais plus quoi là. Si on l'avait laissé faire sa peinture. Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon on n'en sortira pas vivant. Allez, c'est facile. Alors, c'est un Allemand ou pas? Non, il n'est pas du tout Allemand. On n'a pas réussi à trouver qui. Chanteur. Chanteur, décédé en 81. Star international, il est d'ailleurs on a parlé, on a fait la présentation avec le football. Il est, je l'ai appris et je savais pas, il est décédé d'un cancer qu'il a eu à cause du foot en jouant au foot. C'est ridicule. Parce qu'il a pas David Bowie. Pensé non, David Bowie. C'est un footballeur. Non. Il a joué au foot. Il s'est blessé. Il adorait le football. Et il s'est blessé au foot. Il s'est pas fait soigner. Boum. Il a. Ah, Julio Iglesias. Non. Ouais, allez, c'est facile ça. Oh, c'est facile. Tiens, la réponse. Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon on n'en sortira pas vivant. Il est mort en 80. 81, 82, il est mort. Il est mort jeune, hein. Il est mort très très jeune. Non, il était vivant. Non, mais c'est pas un français. Oui. Jimi Hendrix ou un truc comme ça. Non, 80, Jimi Hendrix. Bon, arrêtons les bêtises, là, s'il vous plaît. Non, oui, réveillons-nous. Sérieux, quoi. Je teste. Pas Hollande pendant qu'on y est. Il est très connu, Il est très connu. C'est un chanteur étranger qui a dit... Pas Mercury. Donne-nous une... Le Père Noël. Je le vois mal jouer au foot, Freddy Mercury. Si on pourrait avoir au moins la nationalité, quand même. Bah, jamaïcain. Ah, bah Bob Marley. Ah, ouais, c'est trop facile. Bonne réponse. J'applaudis même pas. Bah non, parce que... Bah, et pourtant... Bob Marley, on l'avait jamais cité. Bah attends, il est mort de cancer en Suisse, je crois. Oui, mais le cancer est dû à une blessure qui... De, pas au suisse, foot. Ouais, c'est en pied. Attendez, parce qu'ici... Sa religion Rastafari lui interdisait toute opération et il est mort à cause de finalement, sa religion Rastafari, ouais. Ouais. C'est blessé au foot. C'était compliqué. Alors attends, parce qu'on a un infirmier dans le public, est-ce qu'on peut lui poser la question de savoir si on peut mourir d'un cancer à cause d'une blessure? Il veut pas être impliqué. Oui, mais il est d'accord avec moi. C'est comme ça que ça s'est passé. De toute façon, qu'il soit d'accord ou pas, c'est l'histoire de Bob. C'est très connu. C'est la raison officielle. Je sais pas si c'est lui, en tout cas, il aurait pu se faire opérer et sa religion l'empêcher. Il est mort à cause de ça. Qui a dit à 30 ans, une femme doit choisir entre son derrière et son visage. Je sais ça. Et figurez-vous que c'est une femme qui a dit ça avant que vous me traitez de... Bah moi je... Je ne sais pas quelle idée. Non, à 30 ans, une femme doit choisir entre son derrière et son visage. Pareil, on ne l'a jamais cité mais depuis le début de l'émission. Ça déjà, c'est pas Catherine Deneuve, ça c'est sûr. Non, c'est pas Mireille Darc. Entre son derrière et son visage. C'est français. Mais c'est con. Oui, elle était française. C'est surtout très con. Une comédienne. C'est pas comédien, c'est pas chanteur. C'est une vieille. Elle est décédée. Journaliste. Ah, oh, non, mais c'est pas journaliste. Écrivaine. Elle avait un métier bien particulier. Tout le monde est mort. Politique. C'est pas politique. T'as été ses métiers des fois. À 30 ans. Non. Non, c'est décédée. Maïté, toujours parmi nous. On l'embrasse d'ailleurs. Si elle peut encore nous écouter. D'ailleurs, entre son visage et son derrière. Elle est décédée à 30 ans, une femme. Elle est devenue. À quel âge? Elle est devenue cultissime. Attends, elle est décédée à 30 ans ou il y a 30 ans? J'ai jamais dit le mot 30 ans, t'as c'est jamais la phrase. Dit le mot 30 à 30 ans. Parce qu'elle a 30 ans. C'est la phrase. À 30 ans, une femme va choisir en concentrant derrière son. Elle est décédée, je sais plus, j'ai pas la date. En tout cas, elle ça fait un moment. Voilà, elle me plaît pas. Mais allez, je répondrai pas. On en parle toujours pour des raisons bien précises. Et puis d'abord, pourquoi elle devrait choisir entre Lady Diana. Sa fesse et sa non, face Non. Parce qu'elle doit être jolie, avoir un super beau cul. Elle était jolie. Elle a surtout rendu les autres jolies. À 30 ans, une femme Coco de Chanel. Coco Chanel. Ben, on l'avait tous les trois. Mais oui, elle était... Bravo. Qui a dit « Tous les enfants sont des sorciers. » Harry Potter. Bon. Ah, Dumbledore. Moi, j'arrête là parce que... Faut dire que la question « Tous les enfants sont des sorciers », je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais franchement... Ah bah, c'est beau. Comment il s'appelle? C'est pas sorcier, c'est là. Beau, c'est des c'est poètes. Jamy. Non, c'est décédé. Tous les enfants sont des sorciers. Tout le monde est mort, quoi. C'est très connu. Bah, c'est la sorcière de Hansel et Gretel. Non, c'est un homme. C'est pas une femme, c'est pas une sorcière, c'est un si homme. Si ça avait été une femme vivante, j'aurais dit Chantal Goya. Dorothée. Elle est morte, Chantal Goya? Non, bah non, justement. Non. Professeur Rogue, du coup. Non, arrêtez avec Harry Potter, c'est pas arrêté. Ça n'existe pas. Mais et alors? De quoi? C'est ringard, Harry Potter, c'est ringard. Tous les enfants sont des sorciers. Ils vont en venir où là? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Pause! Qu'est-ce qu'il y a? C'est ringard, Harry Potter. C'est pas ringard. Arrêtez avec non, Harry Potter. T'as pas le droit. Je suis désolée, t'as c'est pas le droit. C'est nul, Harry Potter. C'est super génial. C'est cucu la praline. Pour moi, c'est plus le même niveau que la praline qu'il est cucu la praline. T'as pas le droit de dire ça. C'est pour pas dire que c'est nul à chier à la radio. Mais tu rigoles ou quoi? T'as pas le droit de dire ça. C'est surtout trop long. C'est nul. Retire ce que c'est le truc. La meuf, elle a J.K. Rowling. Elle a trouvé un créneau. Et allez, casino, boum, boum. Ça, on finira jamais. Premièrement, J.K. Rowling, c'est fou. C'était pas du succès qu'elle aurait. Mais après, oui, elle a trouvé. Mais retire ce que tu viens de dire. Elle se fout la baguette dans le cul. Qu'est-ce qu'il y a, le film? Vous faites une émission parallèle? Du coup, on part shopping. Pourquoi? Mon cul est doux. Cul est hyper doux. Je lui ai dit, il y a du cachemire dedans et je l'ai acheté il y a 4 ans à 50%. Je suis ravie. Voilà, ça vous pouvez assez cher, le cachemire. C'est bien parce qu'on peut le mettre directement sur la peau. Je vais y aller. On revient à ma citation. Tous les enfants sont des sorciers. C'est un chanteur décédé en 78. C'est un chanteur donc. Qui est décédé en 78. C'est très connu sa phrase. Claude fait... François. Non. Ouais, c'est ce que non. Je veux dire, mais Casimir. Non. Il était pas mort. Joe Dassin. Non. Non, mais Dalida. Il avait avec Joe Dassin le point commun d'aimer les îles. Ah, je croyais que d'aimer les enfants, Jacques Brel. Jacques Brel, bon. Julien Collard, les grands enfants. Il est mort le 16 novembre 1993 à Ouvouyé-des-Champs, c'est dans le Loiret. Il était né le 6 mai 1915 à La Goulette en Tunisie. Mourir, c'est dur, mais mourir à Ouvouyé, je sais pas quoi là. Non, il est né. Ah, il est né. Et, non, il est mort. Voilà, c'est ça. Il est né en Tunisie. Ouais, nous lui rendons hommage, donc, puisque nous sommes le 16 novembre à l'heure où nous enregistrons cette émission. Alléluia. Mais de qui s'agit-il ? Il est mort le 16 novembre. Ah, ça fait donc 80 piges, pas loin, quoi. Bah, dis donc. Quoi ? Il est mort. Bah, tu m'as dit dans les. Il est mort en 93. Et oui. 93. Et 1913. Il est né en 1915 et il est mort en 93. Et ça fait combien d'années ? Ça fait dans les 80 piges. Excuse-moi. Est-ce que. Oui, 78 ans. Est-ce qu'il est en rapport avec. C'est un rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Mais non, mais. C'est pas. Hey, tu m'as pris pour un prof de maths. Et Lukaku ? Oh non, Lukaku, il est pas mort. Non, est-ce que ça a rapport avec la Seconde Guerre mondiale ? Il est pas mort. Il est pas sans cap. Il est mort jeune, Lukaku. Non, qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que c'est ? Pardon. Est-ce que ça a rapport avec la Seconde Guerre mondiale ? Non, non. Non, rien à voir avec ça ? Non, non. C'est plus tard ? Donc, il est mort, général Leclerc. Il s'est suicidé, le pauvre. Ah. Putain. À 80. Bah, vu où il est mort, mon Dieu, je comprends pourquoi il s'est suicidé. Bérégovoy. Bérégovoy, c'est ce que j'allais dire. J'ai hommage à un artiste. En 93. En 93. C'était un artiste. Donc c'est son hommage aujourd'hui. Mais un artiste, il avait vraiment une particularité, une fonction. Voilà. Ça, quand tu fais ça, c'est les sous. Non. C'est un peintre ? Non. C'est musique ? Non. Ou un peu, non. Il a une fonction particulière. Écrivain, philosophe ? Non. Alors là, pour le trouver, celui-là. Acteur ? Théâtre ? Bouliste ? Théâtre, plus précis que théâtre. Théâtre, mais mime. Pas au théâtre. Se lance. Mime un peu pas proche. Proche du mime, mais pas mime. Charlie Chaplin. Pas de Louis non, Louis. C'est plus ah, récent. Ah, mais non, c'est pas en France, je suis ridicule. Mais il est français là. Vous couperez, vous couperez. Celui qu'on parle, il était français. Il a fait sa carrière en France. C'est pas le mime Marceau parce qu'il. Non. Il faisait vraiment du mime. C'est vrai que c'est quelqu'un qu'on y pense. Quand j'ai lu ce matin, il y a eu un article donc pour lui rendre hommage, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Mais on le connaît bien. C'est devenu une marque. C'est une marque même. Pierre Tchernia. Non. Il est pas mort. Il est mort récemment. Il est mort l'an dernier. Là, je suis d'accord avec Cyril, c'est n'importe quoi, Julie. N'importe quoi. Un Tunisien. Ouais. Hein ? Comment ? Bah, il est né en Tunisie. Oui, il est Tunisien, mais il a fait sa carrière en France. Ça veut dire qu'il est bronzé. Il était connu de. Ça veut dire qu'il parle un peu comme ça, tu vois, à mon avis. Non, parce que. C'est pas Robert Castel ? Finalement, il parlait pas beaucoup sur ses spectacles. Il parlait, mais c'était pas ça. Ça fonctionne. Est-ce que c'était un magicien ? Pas magicien, mais il faisait peut-être des tours de magie. Il était entouré de magiciens. Un mime ? Non. Dit tout il à était l'heure. Tout ça finalement à la fois. Dac. Mais... Un clown ? Oui. Ah, je vois qui c'est. Ah. Ah. On va attendre. Ah, mais c'est le nom d'un cirque ? Oui. Bouglion. C'est pas, ils vont tous les Zavata. Oui, bah. Voilà. Et on dit qui ? Merci Didi quand même, hein. Achille. Ils étaient là il y a pas longtemps en plus. Merci Didi. Merci qui ? Merci Didi. Les studios Paramount Players. Yeah ! Et hey, t'as pris des cours ou quoi ? Ah oui, on sent qu'il y a de l'entraînement. Hey, il s'est entraîné. Il y a du training. Il y a du training. Ah, tu peux le redire ? Ah oui. Juste pour le plaisir. Vas-y. De c'est t'entendre. Mignon, il est rouge. Non, le déconcentrez pas, sérieux. Pris des cours de langue ce week-end. Allez. Oh ! Les studios Paramount. T'as entendu le mais non, mais ça, parce que là, je suis allé. J'allais oui, non, mais là, vrai, tout à l'heure, c'était spontané. Voilà, c'est là, plus pareil. Ouais, t'es emmené la langue tout vas-y, seul, comme donc si rien n'était. Ouais. Dis-le, les studios Paramount. Les studios Paramount Players viennent de lancer la mise en chantier d'un remake d'un film culte. Mais l'originalité vient que le scénario va être l'inverse du premier opus. Mais de quel film s'agit-il ? Eh ? Retour vers le futur. Le scénario va être donc, l'inverse. Ils vont faire quoi ? Le futur du retour du passé ? Je reste dans le passé. Non. Non, mais j'aimais vous avez compris le truc. Que est-ce que ça sera un film ou une série ? Film. Un remake à l'envers, en fait. Les studios Paramount Players yes. viennent de lancer la mise en chantier d'un remake d'un film culte. Mais l'originalité vient que le scénario va être l'inverse. Et du premier film. La version originale d'être quelle année ? C'est ça. En années 90. Non, mais soyons précis. Années 90. Il n'y a eu qu'un film, c'est pas ce une trilogie. Ouais, il n'y aura qu'un film. C'était avec Mel Gibson qui va reprendre le rôle. Ah, c'était pas avec, Brevard. Mais il va. C'était avec, qui va c'est continuer dans Brevard. La... Bah, non, pas Brevard. Signe. Si je vous dis le titre le en anglais, comment ça va? Ah bah oui, avec ton accent, ça va être... Il a pas fait Danser avec les loups, les loups, un truc comme ça, ça n'a rien à voir. Bah l'inverse, c'est le monde d'un c'est quoi, ça va être Danse les claquettes, là, avec les loups. C'est Kevin Costner, donc. Non, c'est... Il y a le premier film, et là, ils vont faire l'inverse de ce qui se passe dans ce film. Il a fait un film... C'est un film de science-fiction? Mad Max. Fantastique. C'est fantastique dans le sens où il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est dans fantastique dans le sens où dans ça n'existe pas, mais il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est paranormal, quoi. Oui, on peut dire ça, mais ça ne va pas vous aider. Ce n'est pas les films en 3D avec des monstres et tout. C'est une comédie romantique, mais l'inverse. Ça va s'appeler What? What? What? What? What? What men want? Ah, sur un oiseau sur la branche? Ce que veulent les femmes. Mais oui. What, what quoi? Ah oui, donc, ce que veulent les femmes. Ce que veulent les hommes. Ce que veulent les hommes. Bon, je l'ai dit avant, du coup. Oh, les mecs. vous l'avez vu, le premier? Oui, voilà, oui, bah là, cette fois-ci, avec, c'est donc... la blonde. La femme Whoopi qui Goldberg va lire dans les pensées des mecs. Ouais, mais ça... alors, si je peux me permettre, on s'en fout un peu. Hein. Oui. Parce que, de ce que tu penses, ouais, c'est pas ce que je retiens de mieux de Mel Gibson. Hein. Non, mais je trouve que ça va être un film muet. C'est surtout attendre tant d'années pour faire ça. Salope. J'applaudis là. Ah, c'était facile en même temps. Julien Collard, Les Grands Enfants. Sur une photo d'attente qui est publiée de ce matin, on peut y voir le premier ministre de la RD Congo saluant la foule. Problème, car on peut voir sur la photo qu'elle est faussée. Mais comment voit-on sur la photo qu'elle est fausse? Elle est photoshopée, c'est ça? Non. Le premier ministre du Congo, il a son pouce à l'extérieur, salue la foule et sur la photo, tu vois, on voit qu'il y a un problème. Alors, quel est le problème et comment voit-on? C'est il est blanc. Non. Mais ouais, c'est ce que j'ai dit. Il est la même. C'est facile. Blanche. Déjà, le problème, il salue la foule. Ouais. Oui. Mais on voit pas la foule. Donc, pourquoi on voit pas la foule? Parce qu'il n'y a pas de foule. On voit de face. Voilà. Mais comment voit-on que c'est des menteurs, qu'il n'y a personne devant? Parce qu'il y a un miroir derrière lui. Bonne réponse. Ah, c'est génial. Voilà. Alors, c'est, c'est pas un miroir, mais on l'accepte. C'est une vitre. Un reflet, voilà. Un reflet. Et on voit qu'il n'y a personne devant. Oh, il a l'air con. J'adore. Carrément. Je veux la voir, cette photo. J'aime beaucoup. C'est ouais, moi, j'adore. Excellent. Excellent. En disant ça, je me suis rendu compte que ça, c'est ringard. On était dans les années 80. Et d'ailleurs, en buvant du thé un dimanche d'automne. D'ailleurs, excellent. Alors, le simple terme. On coupera en montage. Parce que ça... Ringard est déjà ringard. Ça ne se dit déjà plus même ringard. Plus, ouais. Non, mais je tiens à dire has-been maintenant. C'est vrai même ça pas. Aussi, c'est. Ça aussi, c'est has-been. Okay, has-been, c'est has-been. Que peut-on se procurer sur Internet pour 4200 euros? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des faux nichons, si, apparemment ça a marché. 4200 euros, ça fait cher ça. Ouais, mais ça les vaut, Coco. Ça les vaut, Coco? C'est interdit, attention. Ça les vaut, Coco. C'est interdit. Est-ce que c'est un produit illicite? De c'est la pas drogue produit. C'est illicite, mais c'est pas produit dans le terme drogue et tout ça, non. Donc c'est un rapport avec le sexe. Une arme? Non. Une bombe? Sexe, c'est un rapport avec le sexe ou pas? Non, non. Pas un rapport avec le sexe à ce prix-là. C'est bah... ah, c'est une... Alors pourquoi mettre aussi cher? C'est vrai, franchement. 4200 euros. Qu'est-ce qui pourrait coûter 4200 euros? Tellement de choses. Un instrument de musique. Non, ah, c'est illicite, tu suis un peu. Une arme. On l'a dit déjà. On l'a dit. C'est pas moi qui ai c'est facile. Une substance. 4200 euros sur Internet. C'est volumineux? Hop. Non, c'est pas volumineux. C'est petit. Animalier. C'est dangereux. Un animal. C'est petit. Ça a peut-être la taille d'un téléphone. Est-ce portable. Que c'est dangereux? C'est pas un animal alors? Non. C'est un bijou? Non. Une puce? Non. Non. J'ai eu peur. Électronique? Non. Ça a appartenu à quelqu'un? Non. Il y en a plusieurs. Il y a pas non, qu'un seul modèle. Est-ce que c'est dangereux? Oui, mais... C'est produit. Non, c'est non. Produit. Non. À... C'est vieux. C'est vieux, non? C'est électronique. Je sais pas. On l'a pas dit. Hein, ça. Électronique, non. Non, c'est illicite. C'est un produit ici. C'est pas un produit. Ça c'est interdit mange. De l'acheter. Tu risques gros si tu l'achètes. Mais c'est mon ventre. On a entendu mon ventre. Il y a quelqu'un qui a faim là. Excellent. Du coup, on savait quoi, pas c'est mon ventre. Oh le bruit. On coupe pas ça. Il faut regarder. Hein. On a entendu mon ventre. Un truc. Ah. Il y a une grenouille qui part. J'ai pas digéré ce week-end. La vodka est mal passée. Oh, je suis enceinte peut-être. Ce bruit. On s'est tous dit de ce côté, c'est moi. Ouais, ouais, c'est vous. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. Là, comment c'est possible? Ah, oui. Ben, j'ai pas mangé depuis 3 jours. D'accord. que peut-on se... Est-ce que ça se mange d'ailleurs? Non, ça se mange. Ça se mange pas. Est-ce que ça se sniffe? Non, non, c'est pas un produit. C'est illicite. Qu'est-ce qui est illicite à part la drogue? Blanc. Ah. C'est marron. Couleur, c'est, marron. C'est marron. De la terre. Je pense que c'est marron. Non. Je sais pas. Je qu'est-ce qui est illicite bois. À part la drogue? Eh ben justement, j'aurais peut-être pu une mettre vidéo sur une vidéo ou un truc comme ça. Non. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez acheter, faire de faux? Parce alcool, en fait, c'est faux. Des billets. Tu te fais un... C'est pas un faux billet, c'est pas de faux billet. Un faux autographe. C'est très facile. Non, non, non, c'est plus. Ça se boit? Non, ah, ça une, se fausse, boit pas. Une fausse carte bleue qui pas marche carte pas bleue. Chèque. Pas chèque. Un faux TPE, là, quoi. Un truc qui c'est quelque chose qui sert à payer? Non. J'en croyais être sur la piste et en fait pas un lecteur. Mais c'est pas, c'est, la, c'est de la, c'est administratif. Un lecteur. Ah, un passeport. Passeport, bonne réponse. Oh, oh, oh. Merci d'avoir trouvé parce que là, ouf. Oui, ça mais commence. Bon. Julien Collard, les grands enfants. Il a reçu en cadeau. Alors ça, on en a beaucoup parlé. Alors ça, si vous savez pas. Alors, il a reçu en cadeau une Lamborghini. Sympa. Dont le prix est estimé à 200 000 euros. Bien évidemment, il va la revendre pour la donner à une association. Il ne va pas s'en servir. Mais ah, il la vend et il la donne après. Non, il va récupérer le pognon. Voilà. C'est un politicien, du coup, il n'a pas le droit de recevoir. C'est politique, mais pas politique dans le sens. Mais c'est politique. C'est un peut-être français? Sarkozy, non? C'est pas français. Ça m'étonnerait pas. Américain. C'est pas américain. Anglais. C'est pas anglais. Oh là, dis donc. Européen. Il est quoi? Africain. Attends, il cherche. Il est vieux. Il est vieux. Bon, bah ça, déjà, on sait. Il est quoi? Il est. Je crois que c'est italien. Oh, une Lamborghini, ouais, ça pourrait oui, correspondre. Bah, le pape, alors. Le pape, bonne oh. réponse. Ah, il est italien? Mais, non. Non, le pape est non, argentin. Non, il est non, pas non, italien. Non, il est argentin, il est quoi le pape. Il est argentin, ouais. C'est pas grave. On le refait, si tu veux. Tu il est argenté et argentin. Argenté? Ah, bah, on lui a offert un bien argenté, carrément. Ouais, Lamborghini, il a France. Dit, je vous remercie. Mais je ne peux bon, pas. Il a été faire deux ou trois têtes à queue avec, quand même, hein, pour rigoler. Ouais, mais enfin, tête à queue, le pape. Il pourrait s'y amuser avec et il la revendra après. Quoi. Sébastien Loeb va faire son apparition au printemps 2018 d'une manière originale. Belle transition. Mais où le champion de rallye, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est un champion de rallye. Si. Et surtout, comment va-t-il débarquer au printemps prochain? En voiture? En moto, du coup? En voiture parachute. Non. En parachute sur la voiture. En buggy? Non, en buggy. Il va en fille. Il le va buggy, va c'est excellent. Où, d'ailleurs? Ah ben, où, surtout? D'accord. Si vous trouvez où, ça va vous aider. Tu veux bien répéter la question? Sébastien Loeb va faire son apparition au printemps 2018, oui. D'une manière originale. Mais où? Oui. Mais son apparition, dans les airs, dans quel but? Aérien. Il va apparaître... À la télévision? Non. C'est aérien? Pour un championnat de rallye? C'est sportif? Non. Il va faire son apparition indirectement. Oh là là. Ça fera pas vraiment lui. Mais ah, il va faire comme Mélenchon un hologramme. Non, non, non. Un hologramme. Un loulogramme. C'est quoi c'est proche d'un hologramme. Un hologramme. Sébastien Loeb va faire son apparition au printemps 2018. Tu vois, tu vas pouvoir essayer, toi qui aimes bien la voiture, tu vas pouvoir. Animateur. Dans un film. Il va apparaître dans un film. Pas dans un film. Dans une pub. Pas un casque virtuel. Chez sa mère. Dans un clip. Non. Un clip de Booba. Mais non. Un jeu vidéo. Pas un jeu vidéo. Non, vraiment. Tu vas pouvoir vraiment te. Un dessin animé. Pour Sébastien Loeb. Bah, je pas un dessin animé. Ah, dans un jeu vidéo. Pas un jeu vidéo. Réalité. Comment ça? Ben, un casque virtuel, non? Non. Mais non, il a dit pas dans un jeu vidéo, c'est pour ça dans que je fais. Dans un parc d'attraction? Oui. Futuroscope? Bonne réponse. Bravo. Ah, j'y étais le week-end dernier. Il va avoir son propre manège au Futuroscope. Julien Collard, les grands enfants. Dans le dessin animé, les Simpsons. Oui. Oui. Oui, oui, c'est les Simpsons. Les Simpsons. Alors, j'ai fait exprès, c'était une vanne. Je sais qu'on dit Simpsons, normalement. Mais tu le dis bien aussi, Simpsons. Tu peux le redire. Homer Simpson, un trait de cheveux. Trois. Qui figure une lettre de l'alphabet. À quoi? W. Non, un trait de cheveux. M. Un trait, un petit cheveu. Oui, ben un M. Mais oui. Mais que représente la lettre M? Marge. Non. Très facile, ça aussi. Bah, le créateur, non? Bonne réponse de Julie. Elle est en forme, hein. Ah, c'est un clin d'œil. C'est les initiales de Matt Groening, créateur du film. Ouais, Matt. Ouais. Les cheveux, c'est le M de Matt. Et il paraît que le lobe d'oreille, ça fait un G. Pour Matt Groening. Ouais. J'aurais préféré que ça soit pour moi. Non, je l'ai mis, très mal. Vous savez de quelle nationalité elle est, Marge? Belle tentative. Belle tentative. Elle est française. Oh. Hein? Comment ça? Le personnage de Marge, elle est française. Ah bon? Oui, oui. Ah ouais. Marge. Ouais, toi, t'as de la marge pour être drôle. Alors, vous le savez, c'était excellent ça. C'était gratuit. Bon, vous le savez, les chanteurs portent souvent un pseudo. Mm-hmm. Mais connaissez-vous leur véritable nom à ces artistes? Il y a eu une liste de tous les pseudos et les vrais noms. J'en ai sélectionné quelques-uns. Il y avait Molière ou pas? Comment s'appelait Molière? Jean-Baptiste Poquelin. Il n'a pas, pas créé Molière à Pézenas? C'est ça. Tu dis n'importe quoi. Tu comprends pas l'art de la phrase. Allez, on continue. Par exemple, si je vous dis Pierre Garand. Qui s'appelle l'artiste? Popek. Ce n'est pas Popek. C'est que tu nous parles uniquement de chanteurs. Là, j'ai sélectionné l'artiste. Des chanteurs, oui. D'accord, c'est intéressant. Pierre Bachelet? Non. Il est récent, il est vieux. Le mec, il aurait changé pour Pierre Bachelet. Ouais, mais il y en a des fois. J'ai pas entendu. Pierre Durand, Pierre Bachelet. Il est mort? Pierre Garand. Non, Pierre il est Garand. Pas mort. Là, tout ça, tous ceux que je vous dis là, ils sont pas morts. Pour coup, cool. Ils sont toujours en activité. Pierre Garand. Pierre Garand. C'est très facile, hein. C'est pas Bruel. C'est Bénichou, Bruel. Ah oui, Bénichou. Non, c'est Ben Guigui. Ben Guigui. Mais maintenant, c'est vraiment Bruel. Je sais pas, Patrick. Pierre Garand, c'est très facile. Garand. Oh, c'est très facile, tu l'as Ah, le premier. Garand. Parce qu'il a gardé son prénom. Il s'est pas foulé. Garou. Voilà, Garou, tout bravo. Simplement. Bonne réponse. Oui. Là, les prochains, c'est plus compliqué. Ah. Anne Pécher. Oh, Anne Roumanoff. Non. Pécher. Elle s'appelle pas du tout. Ah, non, alors là, elle a tout changé. D'ailleurs, Lio. Elle a même plus de nom. Ah, elle a même plus de nom. C'est pas Lio, mais presque. On la siffle, en fait. Sia. Non, c'est français. Française, je là, c'est français. Ah, pardon. Excusez-moi, Anne Pécher, j'avais c'est pas bien écouté. Français. Ouais. Elsa. Elsa, non. Tata Yo-Yo. Non, Tata c'est une jeune artiste. Hein. C'est vraiment... Louane, bonne réponse. Louane s'appelle Anne Pécher. Ça, fallait viser quand même. Là, comment elle s'appelle? Anne Pécher. Ouais, ah, Pécher, t'es con. T'es con. Si je vous dis, là, c'est peut-être un peu plus connu. Tamara Marthe. Ah oui, c'est bon, je vois qui c'est. Maggie. Non, c'est, mais que tu vois, c'est bien. Mais... C'est pas celle... Elle fait du porno. Fait non, parce qu'elle a non, sinon prénom. Elle aurait pas changé. Elle pourrait, hein, Philippe. C'est pareil, elle a gardé son prénom. Quoi. Elle est jeune. Non, non, là, tout elle a changé. Elle est métisse. Oui. Oui, elle est jeune. Shine. Bon. Voilà. Non, mais oh, c'est moi. Mais tu te fous. C'est moi. Alors, je la voyais non, en photo, mais. Fous, hein. Les deux derniers ne sont pas français. Stéphanie Jeanne. Comment? Jeanne Masse. Non, c'est pas français. Vous pouvez répéter la question? Stéphanie Jeanne. Ou Stéphanie elle, Jane. Je la connais. Elle. Stéphanie Jane. Jennifer. Gwen Stéphanie. Non, c'est pas français. Gwen Stéphanie. Non, c'est pas Gwen. C'est Madonna. Non. Stéphanie. Sa Jeanne. Jane. On a envie de dire Jeanne Mas. Jane Birkin, tiens. Non, c'est pas français. C'est pas. Bah, Jane Birkin, elle est pas française. Oui, non, c'est pas parce qu'elle était française. Oh, bah écoutez, non, là, mince. Là, c'est star, grosse star. Oui, ça, c'est la grosse star. Ah, c'est une star. C'est star. Vraiment son nom, là. Stéphanie Jane. Carrément. C'est une jeune génération. Alors, répète la question. Oui, Shakira. Stéphanie Jane. Ça, c'est son vrai nom, mais le nom d'artiste de Stéphanie Jane. Alicia Keys. C'est pas Madonna, mais elle a tout piqué à Madonna. Elle a gardé son prénom. Ah oui, ça je sais. Britney Spears, tu as Spears. Non, ça marche encore. Là. On voit de qui tu parles. Stéphanie, elle a gardé son prénom. Ça marche. Non, elle a rien. Elle a rien. Mais elle a Shakira, Beyoncé. C'est pas Shakira. Non, c'est Rihanna. Karen Sherry. Rihanna, voilà. Karen Sherry. Cher. Cher, elle tourne encore. Non. Il nous a fait rire. C'est pas moi. Elle a moins de 40 ans. C'est pas moi. Oui, oui, oui, c'est une bonne question. Ça, ça me fait Karen Cheryl, ça m'a. Karen Cheryl. Est-ce qu'elle a moins de 40 ans? Oh, on sait rien, on s'en fout. Bah non, je me demande pas son âge, je me demande son vrai nom. Est-ce qu'elle se rase le pubis? Oui, sûrement, elle a tout piqué à Madonna. Ah, c'est une ancienne. Non, elle est nouvelle. Elle marche maintenant. Elle est nouvelle. Miley Cyrus. Non, elle marche maintenant. Elle marchait pas. Jennifer Lopez. Non, elle marche maintenant. Elle marche maintenant. Non, mais je veux dire, elle marche toujours. Elle est à la mode, quoi. Et elle est pas Taylor Swift. Il y en a tellement. Beyoncé. Non, j'ai dit. Non, ah, pardon. Christina Aguilera. Non. Comment elle s'appelle Elle est un peu fofolle. Elle change toujours de Lady visage. Gaga. Ah, oui, Lady Gaga. Purée. Oh, merde. Elle m'est passée les esprits. Vous l'avez dit, donc du coup. Non, mais moi, j'ai focalisé sur Madonna. On va la sauter. Moi, je vois pas ce temps-là. Robbie Fenty. Mais vous l'avez dit. Robbie Williams, du coup. Non, c'est une femme. Robbie Fenty. Rihanna. Rihanna. Rihanna. Ah, elle s'appelle Robbie. Oui. Ouais, ouais. C'est vrai. Tu connais déjà. Julien Collard, les grands enfants. en 1871 oula, pendant la oula. Commune. Oh, ça, ça fait au moins des trucs pour on les vieux. On les a perdus, Yana. Ah, ben, t'inquiète, je suis là, Julien. Lady Gaga, il en faut pour tous les goûts. Oui, tout à fait. C'est ça l'émission. C'est malabar. Pour le tout à les goûts, il faut pour on tout parle, à les goûts. On parle de tout, on, ouais, tu, ouais, on coupera ça. En 1871, pendant la Commune de Paris, les bâtiments de la police parisienne brûlent. Jules Ferry met à disposition un nouveau local. Mais à... Quelle adresse ? 36 quoi, qui les orfèvres. Ce local était disposé avant de devenir l'antenne de police. On est dans le jeu de mots, on prison. Est dans la gaudriole, on est dans le rire. On est dans la joie, on est dans le foufou. Jules Ferry, est-ce qu'il a fait exprès ? Est-ce que, ouh, c'est excellent. Jules Ferry, ah, donc le poulailler. Un poulailler ? Bonne réponse. Un ancien marché aux volailles, c'est drôle. Ah, mais carrément. Ah, c'est foufou. Ah, c'est foufou. Ah, c'est foufou, des poulets. Il ah, était, mais il... j'aime beaucoup. Ah, moi aussi. Julien Collard, les grands enfants. Non, mais c'est de l'humour noir. Ah, c'était des noirs, c'est alors. C'est cynique. Hein. En parlant de noirs, si vous, si vous investissez 18 millions de dollars, vous pouvez obtenir son costume. Mais de quel personnage je parle ? Batman. Barack Obama. Superman. Tu parles de noir. Je sais pas que c'est ça. Mais Superman. Non, oui, vous ne laissez pas finir la question. Non, mais il disait en parlant de noir. Oui, non, mais bah oui. Oui, mais il est loin, Barack Obama. Eddie Murphy. Barack Obama. C'est pas Barack Obama. Non. Mais c'est un super héros. Aussi, c'est un costume aussi, de film ou pas oui, du tout. Costume de film, super héros. Super héros, non, c'est pas, il est pas le super héros. C'est un costume Indiana Jones d'époque. Non, c'est pas l'époque. Indiana c'est Jones? Pas un super héros dans le sens super héros, mais il ressemble à un super héros, mais c'est Star pas Wars. Dark Vador. Luke Skywalker. Dark Vador. Allez, on passe. Allez, les tweets. Galactus 2. Julien Collard, les grands enfants. Qui a tweeté « Je viens de m'apercevoir que je suis né le même jour que Patrick Sébastien ». Ah bah dis. Ah oh, putain le pauvre. Et alors, j'adore. Jeff Panaclock. Non. Et je me demande si moi je et serais je pas né demande. Le même jour non plus. Ah là là là. Ah merde, c'était ton anniversaire. Tu sous-entends que c'était ton anniversaire qu'on a oublié. Ah c'est déjà passé. Alors c'est attendez, pas le même oh, jour. Ah, non, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps. Hein. Non, je l'ai souhaité. Toi, tu me l'as souhaité ? Ah oui. Quand ? Le jour même. Oui. Non, tu me l'as pas souhaité, mec. Si, sur ton mur. Facebook. Ouais, ah, oui. C'est tellement impersonnel. Bon, c'est quelqu'un qui a le même anniversaire que. Ouais, j'y ai pensé. Tu as le jour ? C'était hier, il y a deux jours, mais ça va pas vous aider. Le 15, le 14. Ouais, ouais. Le 13. Ok, le 13, donc peut-être. C'est pas moi. Je viens de m'apercevoir que tu es né le même jour que Patrick Sébastien. Et il est content ou pas ? Oui, bah. Oui, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils travaillent dans la même maison. Ah. Maison. Sur France 2 ? Ouais. Je viens de m'apercevoir. Michel Drucker. Stéphane Bern aussi. Stéphane Bern. Avait le même. Ils sont nés tous les trois. Patrick Sébastien, Stéphane Bern. Et là, il s'est rendu compte. Ils sont des scorpions. Ouais. Il est très connu, bien sûr. Non, j'ai juste dit Romeshko et elle non. a dit des scorpions. Michel Drucker ? Non. Sa sœur ? C'est un homme. Sophie Davant. Non, c'est un homme. Oh. Je regarde. Jean-Luc Reichmann. Non, il est sur une. La ouais, une, je crois. Une. Eh ben, Nagui. Nagui, bonne réponse. Bravo. Et bravo enfin, Cyril. Il ne savait pas jusqu'à aujourd'hui qu'il était le même... Qui a dit Macron est charmant, j'ai envie qu'il réussisse. Et oui, j'assume. Bah, notre ami Manuel Valls. Non, c'est pas politique. C'est pas Brigitte alors. D'où le oui, j'assume. Brigitte. Macron est charmant et j'ai envie qu'il réussisse. Oui, c'est j'assume. Une femme. Non, c'est pas une femme. Ça, dans le monde de la culture... Tu peux refaire. Oh, c'est un artiste, oui. C'est culturel, c'est artistique. Pourquoi ? J'aime bien. Ouais. On vous dérange ? C'est vous, oui, hein oui. Vous vous appelez. Je m'arrange mes cheveux. Qui a dit Macron est charmant et j'ai envie qu'il réussisse. C'est une femme ? Oui, non, c'est pas un une homme. Femme. Non. Elle s'est transformée en mignon. Est-ce que c'est un homme qui aime les hommes ? Non, parce qu'il a dit charmant, non. On dit c'est un homme barbare à gourde. Non. C'est un homme de petite taille. Oui, c'est vrai qu'il est pas très grand. Est-ce que c'est Je crois, je pense, j'ai jamais. C'est Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas politique. Ah, c'est pas politique. Oui, justement, comment il s'appelle ? Celui qui fait les grosses têtes. Non, je sais pas les grosses têtes. Tu penses à qui ? Il fait de l'humour. Eh ben, c'était quoi la France ? Comment il s'appelle ? Ah non, c'est pas mignon. L'autre. Je veux qu'il réussisse. Qui est tout petit. Thierry Ardisson. Non, non, il est pas petit. Non, c'est artistique. C'est pas. C'est. Mais il est toujours assis. Passe partout. Moon, tu passe partout. Il y a tellement de gens qui rentrent dans cette case. Non, il est pas animateur. Non. Non, il est humoriste. Il est humoriste. Jamel. Jamel, bonne réponse. Bravo. D'ailleurs, je me rappelle plus ce qu'il a dit d'ailleurs. Pourquoi il a dit qu'il est bien mignon, mais j'espère. Ah, je l'ai entendu. Tu demanderas, oui, tu demanderas à ta sœur. C'est vrai. Merci d'avoir été là. Mais il y a longtemps merci qu'il assume à toi ça. De nous hein, avoir il y a vraiment reçu. On se retrouve la semaine prochaine. À la au revoir, Julien. Prochaine. J'ai trouvé au revoir, Julien. Excellent. Vous étiez excellent. J'avoue que on s'est défendu. Ouais, tu étais très bon aussi. Merci à tous. À bientôt, Seb. Bye.